Bonsoir tout le monde, vous écoutez Canal Sud comme ça a été dit précédemment. Merci à toute l'équipe là-bas. Et maintenant c'est Nuisance, donc à 21h le vendredi. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Un peu plus tôt, et j'en reparle à présent. L'oubli, l'effort de mémoire contre l'oubli, l'oubli contre la mémoire et son effort de mémoire. L'oubli, l'oubli de la souffrance des autres, par exemple. L'oubli, l'oubli de la douleur des uns et des autres, par exemple. L'oubli, l'oubli de la souffrance, de la douleur des unes, des uns et des autres, par exemple. Oublions tout, c'est maintenant, car jamais, à jamais maintenant, de ci de là, d'ici à là, à là. C'est maintenant, car à là, là là là là là là là, de ci de là, d'ici à là, à là là là là là là là là là là là là là. Nous n'avons pas dit, nous n'avons pas dite cette formulation. Précipité dans une nomenclature pré-dorée au four crématoire, quelle action cramante d'une misanthropie trop niée. Nier l'azur, nier la lasure, la brillance de la finition, nier, nier. Comme dite, susdite ou sous-dite, sous-exprimé ou surexprimé, toujours tergiversante, je suis nomenclaturé, oui, casé, dans une boîte, ou plusieurs boîtes qui se casent les unes les autres. Zé. Zé. Zé oublié ce que je voulais dire. Zé oublié ce que je voulais dire. Je ne suis plus de ceux et de celles qui croissent. Qui croissent. Crois. Crois. Crois en ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu n'as toujours pas compris que je n'ai pas exprimé la chose comme tu la voulais entendre. Et tu ne comprendras toujours pas car je n'ai pas émis la possibilité que tu ne te trompes. Point. À la ligne. À la ligne. Point. Is it? No confessions will do any banana vessel. La douleur ne fait que s'accroître en accroissement. Necrofeedback. attacked fullness of sorts. C'est ainsi la nuit. All about it. La douleur ne fait que s'accroître. Pour ainsi dire à jamais, entre couverts de stucre se fascine. Oui, c'est sûr. C'est ainsi la pourtant, ainsi dire, n'est jamais que mais. Plutôt que d'inagir, faire. Oui, c'est le début. Premier pas, là. C'est sûr. J'ai vu. Pourtant, les obscurcissantes passions, ce qui se déploie. Jamais que mais. Only change may enlighten. Oui. La force réside dans la pratique comprise de tenue et de volonté, de la plus haute, intelligemment adéquate, adaptée des douceurs. Le choix est là. Tu te laisses aller et choisis la perdition. Tu te laisses aller à lâcher prise sur le monde en faveur de la lumière. Et entre ces deux, là-bas, les réserves d'or s'amenuisent en faveur du plomb. Tout change. Aveu de terreur peureuse de la merde, car Papa Jacques a dit fais-le. Et entre ces deux, là-bas, les réserves d'or. Certainly not freezing things whole. Nor cutting, nor repeating, none of it. On pourra jamais simplement dire je t'aime, I love you, not. Toujours ce à jamais pour toujours, c'est contextuel cette observation. Cette observation, cette observation là, elle est contextuelle, not. Toujours ce à jamais, toujours ou jamais, jamais, toujours, toujours jamais, ambivalence. Je m'obstrue moi-même, l'air de rien, à jusqu'à présent moi-même, jusqu'à quand même, moi-même, et où venir. Toujours ou jamais, de là à maintenant, toujours ne pourra jamais dire jamais, à de la turpitude à maintenant jamais, à là de là, à merde, et puis ça discontinue encore, loyal, merde, reprenons. Là à maintenant, toujours ne pourra jamais dire jamais, à de la turpitude à maintenant jamais, à là de là. Il est contraire d'être contradictoire à la vie, contraire de souhaitable. No side about it. Il est contraire d'être. I remember the noun formulated. Am I free yet? La nomenclature, pourtant, de larmes, pas de réconfort, mais de l'inconfort. No, not quite. Ne dénonce point ton allié si le perdre, si. Puisque l'on puis la volonté, autant ou mieux la concevoir bien et voulable. Mais, de prime abord, abordage ou abordage, quelle différence L'or, l'amertume ne dissout pas. Différenciation, je ne suis pas Dieu, mais Dieu et moi, alors, là où nous les avons laissés. And this is it. That's when I say shit. Shit. I'm obstructing my own self. Shit. That's when I say shit. Shit. I'm obstructing my own shit. Self. Shit. I'm obstructing my own self. Shit. Shit. I'm obstructing That's my own I self. Say shit. Shit. I'm obstructing my own shit. Self. I'm obstructing. Shit. I'm obstructing my own self. Shit. Shit. I'm obstructing my That's own when self. I say shit. Shit. Shit. Shit. I'm obstructing my own shit. Self. Shit. I'm obstructing. Shit. I'm obstructing my own self. Self. La dissolution, la dispersion de l'âme ondulante suffit. Seule, quant à elle, happening is inconsistent. Et le ritualiser, oui, la dispersion de l'âme ondulante. Dire que jamais, à dire jamais pour ne point découvrir, quant à elle, les boîtes foisonnent d'obnubilantes inutilité. Et le ritualiser, I know now. La dispersion de je ne doute pas d'une conjonction astrale difforme, je n'en doute pas. Quant à elle, la déformation, la distorsion n'obstruit pas la pensée, inutilité. Elle la déplace. Le heureux, les choses, je doute pas d'une n'obnubile pas le défini en faveur d'infini. La déformation, pour se faire et se faire et refaire, l'être, needs, fortune, ben. D'une n'obnubile pas le défini en faveur d'infini. Pont entre les jambes, le sexe est intransigeamment le ventre, pas d'accord. No fear, nor any other affect will damage, none of it will have. Pour ne point à jamais ne pas découvrir la même chose. Je vais me faire un rituel de valeur. Sexe, biologie, argent, feu, mort, sexe, biologie, argent, feu, mort, sexe, biologie, argent, feu, mort, argent, feu, mort, sexe, biologie, argent, feu, mort, sexe, biologie, argent, feu, mort, argent, feu, mort, sexe, biologie, argent, feu, mort, sexe, biologie, argent, feu, mort, argent, feu, mort. Sexe, biologie, biologie, argent, argent, feu, feu, mort, mort, sexe, biologie, biologie, argent, argent, feu, feu, mort, mort, argent, sexe, feu, mort, sexe, biologie, biologie, argent, argent, feu, feu, mort, mort, sexe, biologie, biologie, argent, argent, feu, feu, mort, mort, argent, sexe, mort, Sexe, biologie, argent, feu, mort, sexe, biologie, argent, feu, mort, argent, sexe, feu, mort. Comme si les fonctions de l'imagination pouvaient être décelantes par âme, à ne point faire, à ne point se faire toucher ou poindre, ou joindre même. Allez, cet être nommable, et temporairement c'est sûr, et c'est tout. Madness, folie, folly, crevure. Tout est relatif à tout, ce n'est pas le moment. Ni le lieu qui compte, c'est l'acte, le faire, vite, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est sûr, and it's for sure, the haywire, cacophonie, comme même ou mémé poussé dans le tram, à genoux, mamie. Where is everywhere, and does it include the space I occupy? La tergiversation, comme ratiocination, rien ne va plus. Donc, so here goes, voici. Le fiel non mielleux, mais meilleur que le rien qui doute le moment, alors que la mielleuse réaction tangentielle participe de l'être-té en avalant la semence déique. No hunger. Sleep, little piggy. Down the drain. Down the drain. Non, ce n'est pas par hasard ou par fortune, c'est choisi. Décidément, la décision me revient dans la face couverte de poussière d'étoiles mortiférugineuses, de deux à maintenant le un. Things seem, cause they are sexual. And that's no damn secret anymore, just like authority condemning rebellion, so be it. Ne me voyant, en général, pas le visage, je ne me reconnais plus. So here's to quiet. The things, they are dead and full of it. The guano. General, the things, they are dead and full of it. The guano. The things, they are dead and full of it. The guano. The things, they are dead, dead and full of it. The guano. The things, they are dead and full of it. The guano. The things, they are dead and full of it. The things, they are dead. The things, they are dead and full of it. The guano. Things, they are dead. The things, they are dead. The guano. Full of it. And full of things, they are dead. The guano. Full of it. The things, they are dead. The things, they are dead and full of it. The guano. Things, they are dead. Things, they are dead. Guano. And full of things, they are dead. The guano. Full of it. The things, they are dead. The things, they are dead and full of it. The guano. Fight the ignorance, foi faillissante, le long d'une canne, un bâton, coup pour coup, de rendre. Les choses changent en route vers et par l'horizon du fond. Le calme noir, le vivant blanc nuage protège par soi la couche interne, le noyau, le cœur, par soi donc par voile. C'est le moment d'une foi inobscurcissante donc inutile. The others will tell me, or they'll tell me for sure, fuck. La canalisation procède souffreteusement, restant de déboires repassés. Bye. nuisances sur Canal Sud. 05 61 53 36 95 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, en France. Canal Sud, Radio Libre ou Mourir, nuisance, l'émission qui nuit au bon sens. L'émission du non-sens. L'émission du non-sens. I'm Merci. Bonsoir. Ouais, bonsoir les relous. C'est un relou qui vous parle. Merci. Bonsoir, cette émission qui est mise au sens. Canal Blues, 92 sur la FM tant que ça existe. Bonsoir, vive le CSA. Canal Blues, 92 sur la FM tant que ça existe. Le CSA. Lécher le cul du CSA. C'est ça la radio moderne. Lécher le cul du CSA. Ah ouais, t'as coupé la. C'est ça la radio moderne. T'y crois pas? J'ai rien coupé du tout. Tu mens. Je sais pas, j'ai le delay, là, il a pas delay. T'as halluciné, le mec. Delay qui deal.

cette nuisance à mes côtés là. Écoutez. Vas-y. Envoie ta machine. Machine. C'est vite, trop vite ton esprit, le producteur là. C'est trop joli, qu'est-ce que tu fais, mademoiselle? Même s'il ne maîtrise pas toute la machine, la machine. C'est trop joli, qu'est-ce que tu fais, mademoiselle? Mais c'est énorme, c'est énorme. Hey, c'est énorme! C'est énorme! C'est énorme! Auditeur, ça c'est de la musique technologique, donc de la techno. Sauf qu'il n'y a pas de beat. Et c'est tant mieux. Donc ça c'est de la musique technologique. Et on pourrait même dire que c'est de l'électro, comme ils disent maintenant, ces connards de gens.

Tout le monde est mort après les turpitudes galériennes de la bombe nucléaire. La bombe nucléaire. Et un nucléotide fond toujours de même à boire, à voir, toujours en même à loire, à roire, à poire. Et un nucléotide, tide, à voir. N'as-tu pas dit à roire? Mais as-tu vu? T'as vu? Et un nucléotide, tide, tide. N'as-tu pas dit à comme si maintenant? Mais as-tu vu? À jamais. T'as vu? Et un nucléotide, tide, tide. Et non, mais as-tu vu à jamais? T'as vu? Petit tide, et tête, à jamais. T'as vu? Petit tide, et tête, à jamais. T'as vu? Petit tide, et tête, à jamais. T'as vu? À jamais. T'as vu? Petit tide, et tête, à jamais. T'as vu? Petit tide, et tête. Je vais dire quelque chose qui va se répéter encore et encore, car j'ai mis la connexion Internet en diffusion différée dans l'auxiliaire 1. Chose qui va se répéter encore et encore, car j'ai mis la connexion Internet en diffusion différée dans l'auxiliaire 1. Chose qui va se répéter encore et encore, car j'ai mis la connexion Internet en diffusion différée dans l'auxiliaire 1. As-tu compris ce que j'ai dit la dernière fois? As-tu compris ce que j'ai dit la dernière fois, la première fois? Tu sais? It's insane, you know, it's inside. You can't tell, you can't say a thing. It's just gonna go on, it's never gonna stop, you know. You know, it's like this, it's like that. It's just not stopping anymore. It's just going on and on and on. And ça continue, et ça s'arrête jamais, et ça s'arrête pas, et ça veut pas s'arrêter, ça continue, ça recommence, et ça continue à recommencer encore. Non, ça fera pas l'affaire. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est ceci n'est pas correct. Cela n'est pas vrai. Ce me trompe. Ce nous trompe. Je me trompe. Je nous trompe. L'éléphant n'a pas vu la tortue avant de l'écraser d'un coup de pied. Et crouch. That tortue est morte. La tortue, symbole de la sagesse, en TP nultième, est morte. Elle est morte ce soir, tuée par l'éléphant, la mémoire. Oui. Oui. Tuée par l'éléphant, la mémoire. La sagesse est morte ce soir. Sur Canal Sud. Nuisance. Il n'y a jamais eu de problème entre nous et tu le sais très bien. Micro, je t'aime, micro. Micro, je t'aime tellement. Thank you. deux. La femme de couleur et le blanc. L'homme et mouvement vers le monde et vers son semblable. Mouvement d'agressivité qui engendre l'asservissement ou la conquête. Mouvement d'amour dont de soi. Terme final de ce qu'il est convenu d'appeler l'orientation éthique. Ceci est une lecture de Franz Fanon. Peau noire, masque blanc. Conscience semble pouvoir manifester, simultanément ou alternativement, ça c'est des histoires de vue, ça va pas lire. J'ai mis des lunettes. L'homme est mouvement vers le monde et vers son semblable. Mouvement d'agressivité qui engendre le servissement ou la conquête. Mouvement d'amour dont de soi. Terme final de ce qu'il convient d'appeler l'orientation éthique. Toute conscience semble pouvoir manifester simultanément ou alternativement ces deux composantes. Énergétiquement, l'être aimé m'épaulera dans l'absorption de ma virilité, tandis que le souci de mériter l'admiration ou l'amour d'autrui tissera tout le long de ma vision du monde une superstructure valorisante. Superstructure valorisante? Mais c'est pas possible. C'est pas croyable. C'est pas possible, c'est pas croyable. C'est pas possible, c'est pas croyable, c'est pas possible, croyable. C'est pas croyable. Thank you.

Vous écoutez Nuisance. Nuisance, c'est l'émission du non-sens. L'émission de tous les non-sens. L'émission de la nuisance. L'émission des nuisances. Vous êtes des nuisants, soyez nuisance. Car nuisantes et nuisants rejoignent Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net tous les vendredis de 21h à 23h. Téléphone le 05 61 53 36 95. Adresse le 40 rue Alfred Dumery 31400 Toulouse en France. Un site www.canalsud.net. Nous écoutez Radio Libre ou Mourir. Happy birthday to you. Happy birthday. Vous écoutez Nuisance. Nuisance, c'est l'émission du silence, l'émission de la bonté, l'émission de la turgescence, l'émission de la trupidance et de la terpitation. Alors de la connerie aussi et de la stupidité, de la bêtise et de la nomenclature azurée. Toujours dans les cases, Nuisance n'est pas là, car Canal Sud, c'est la radio qui l'abritera pour l'éternité. Oui, vous êtes avec nous, mes frères, témoins et tout, de tout. Eh ben, genre, et mes sœurs, eh ben, on va faire du bruit ce soir. Et c'est bientôt fini. Thank you. comme ça. Redemption Song. All pirates, yes, they're rabbi. So nigh to the merchant ship, rabbi. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Canal Sud. Vous êtes sur Canal Sud? 92.2? Mégahertz? Mégahertz? Fréquence moyenne? Longueur d'onde moyenne? Mégahertz? Mégahertz, Canal Sud, radio libre ou mourir, longueur d'onde moyenne, mégahertz, Canal Sud, radio libre ou mourir, longueur d'onde moyenne, qu'il te plaît, t'as du feu, mégahertz, t'as du feu, mégahertz, Canal Sud, radio libre ou mourir, longueur d'onde moyenne, qu'il te plaît, t'as du feu, mégahertz, t'as du feu, mégahertz, Canal Sud, de rien, radio libre ou mourir. S'il te plaît. T'as du feu? Mégahertz, t'as du feu? Mégahertz. Canal Sud. De rien. Radio libre ou mourir. T'as pas quelque chose, genre la mort, quelque chose? S'il te plaît. T'as du feu? Mégahertz, t'as du feu? Mégahertz. Canal Sud. De rien. Radio libre ou mourir. T'as pas quelque chose, genre la mort, quelque chose? S'il te plaît. T'as du feu? S'il te plaît. Mégahertz. Canal Sud. De rien. Radio libre ou mourir. T'as pas quelque chose, genre la mort, quelque chose? S'il te plaît. T'as du feu? S'il te plaît. Canal Sud, de rien, radio libre ou mourir. T'as pas quelque chose, genre la mort, quelque chose? T'as du feu? S'il te plaît. Mégahertz. Canal Sud, de rien, radio libre ou mourir. T'as pas quelque chose, genre la mort, quelque chose? T'as du feu? S'il te plaît. Mégahertz. Canal Sud, de rien, radio libre ou mourir. T'as pas quelque chose, genre la mort, quelque chose? T'as du feu? S'il te plaît. Mégahertz. Canal Sud, de rien, radio libre ou mourir. Quelque chose, genre la mort, quelque chose. T'as du feu? S'il te plaît. Mégahertz. Canal Sud, rien, radio libre ou mourir. Pas quelque chose, genre la mort, quelque chose. T'as du feu? S'il te plaît. Sur les frontières, c'est entre les deux. Il y a un concert et c'est lui qui joue. Pas quelque chose, genre la mort, quelque chose. T'as du feu? S'il te plaît.

Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement Nuisance qui prend fin. Et donc on va vous laisser avec une diffusion programmée, pré-programmée, en aléatoire, donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Quand je vais appuyer sur un bouton, il va y avoir de la musique ou peut-être autre chose, peut-être pas de son, peut-être du son. En tout cas, je vais appuyer sur le bouton dans 3, 2, 1 seconde, 0, ça y est. Ciao, ciao. Thank you.